Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter. On en profite pour conseiller les jeunes musulmans qui vivent en France. Ha'oula, ils ont un haq alayna. C'est les musulmans. Wa rubbama anta akhi al-karim qabla ayyam kunta tu'ani بما ابتلي كثير من هؤلاء أنت أخي الكريم يا quelque temps ربما tu as vécu tu souffrais tu vivais comme هؤلاء. On n'a pas le droit de les oublier, on n'a pas le droit de les délaisser. أبدا. La personne, il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هؤلاء ils ont حق علينا خاصة يفيف في هذا البلاد في بلاد الغربة في بلاد الكفر. فسي سي با توا كي لي كونساي اخي الكريم فمن. Un cours donné par le frère Mounir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bidammaj au Yémen. Nous demandons à Allah azza wa jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله جل وعلا في القرآن الكريم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث وقبله الآية سلخسيس حديث لنو ديمونتر لامبورتانس دو النصيحة لامبورتانس دو كونسي. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé le conseil al-nasiha ad-din. Ad-din, la religion, c'est le nasiha, c'est le conseil. Fa al-muslim, al-mu'min, yansah, bi qadri ma yastati'a, yansah al-qarib wal-ba'id, yansah al-saghir wal-kabir. Al-muslim, il conseille son frère. Wa nahnu, في هذه اللحظات إن شاء الله تعالى on en profite خاصة قبل دخول شهر رمضان المبارك ننصح on en profite pour conseiller les jeunes musulmans qui vivent en France. هؤلاء ils ont un حق علينا. C'est les musulmans. وربما أنت أخي الكريم قبل أيام وربما كنت تعاني بما ابتلي كثير من هؤلاء أنت أخي الكريم. Il y a quelque temps, Robama, tu as vécu, tu souffrais, tu vivais comme Haoula. On n'a pas le droit de les oublier, on n'a pas le droit de les délaisser. Abadan. La personne, il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. هؤلاء ils ont un حق علينا خاصة يفيف في هذا البلاد في بلاد الغربة في بلاد الكفر. فسي سي با توا كي لي كونساي اخي الكريم فمن تتوقع كي سي كي لي كونساي لي كونسايور يونا بوكو سو كي كونساي لكن بعض الناس يكونساي اي يزابيلو الشر بعض الناس يكونساي يزابيلو لا بدعة. بعض الناس يكونساي اي سو كونساي لي با بازي سور العلم. قال الله قال رسوله وأنت en tant que da'i ila Allah ne minimise jamais al-khayr. Tu penses que ton kalam il a aucun effet, ou tu penses que personne va t'écouter. Abadan, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne du poids à ta parole. On se base sur le hadith du prophète sallam, un conseil. Celui qui écoute, falhamdulillah, alaykum salam. Et celui qui écoute pas, fa la yadhurruna. Il ne nous fait aucun mal, bi'idhnillahi azza wa jalla. Wa ha'ula ta'lamoun anna ces jeunes musulmans, ils aiment, kathir minhum, ils aiment le khayr. Kathir minhum, ils aiment l'islam. Kathir minhum, ils veulent le bien, lakin il faut les aider. Probablement une parole. Kam min al-ikhwan, ils étaient fi halatin sa'ba, ils étaient fi inhiraf wa dhalala. Probablement une parole. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis de la baraka fi hadhihi al-kalima, il s'est accroché au haq. Probablement tu lui offres un livre ou une cassette, un cours. Probablement c'est la cause de sa guidée, bi'idhnillah azza wa jalla. Probablement ton bon comportement, t'as le sourire, tu le conseilles, il voit que tu veux son bien. Probablement c'est une cause, annahu issu al-haq. Probablement un conseil, ya akhi, et tu lui expliques, fais attention à telle chose, n'oublie pas telle chose. Obama, c'est le déclic, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, et il suit le haq. En se basant sur ça, bi'idnillah azza wa jal, on va conseiller ces jeunes sur quelques points. سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والثبات. هذه نصيحة أخوية لهؤلاء الشباب الذين يعيشون في فرنسا. نسأل الله عز وجل التوفيق للجميع. في النصيحة un conseil pour ces jeunes qui vivent en France. النصيحة الأولى, la première نصيحة, أيها الشاب, الله سبحانه وتعالى ما خلقك عبثا. هذا ce point il est très important. أخي, الله سبحانه وتعالى il t'a créé. فتي عبد, t'as مخلوق, t'as مربوب, t'as رب. Ça n'a pas été créé هكذا, sans aucun but. Abadan. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت أيها الشاب أخي الكريم, tu rentres dans ce verset. وما خلقت الجن والإنس, أي الله il a créé les djinns et les ins, les êtres humains, illa liya'budu, était un être humain. Allah subhanahu wa ta'ala il t'a créé pour un but bien précis, al-ibad. Et Allah subhanahu wa ta'ala arsala al-rusul wa anzala al-kutub, il a envoyé les messagers et il a fait descendre des livres, illa lihada. Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu al-taghut. Ayuha Shab, t'es concerné. Tu dois te sentir concerné. T'as un créateur, t'as un but. Fa'atani bihada tawhid. Ce but dans ta vie, c'est le tawhid. Tu dois accomplir et tu dois parfaire ce tawhid. Fa'atani bih. Le tawhid, c'est unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois l'adorer. T'as pas le choix, bihada. Tu dois l'adorer, tu dois t'écarter du shirk. وهذا التوحيد هو سبب النجاة Celui qui authentifie ce tawhid et l'applique et il a la conviction ferme أن الله سبحانه وتعالى c'est le seul qui mérite d'être adoré et il l'adore, هذا بإذن الله il a حقق, il a accompli une chose, ce tawhid qui va le sauver بإذن الله عز وجل في الدنيا وفي الآخر dans cette dunya, ce bas monde et dans l'au-delà. قال عز وجل ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il montre أن من يشرك بالله ومن يشرك بالله أي celui qui applique pas ce tawhid, أي le contredit بالشرك, il adore autre qu'Allah, il adore Shaitan, il adore ses passions, il adore un mort, il adore le mal, il adore son nefs. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة هذا Allah subhanahu wa ta'ala il lui interdit le jannah. Et un ta'khi, tu veux pas un nar. Un nar, c'est pas simple. Qala azza wa jal wa ma'wahu an-nar. Ça te montre, akhi, anna celui qui applique pas le tawhid, ça sera un nar. Famadha ba'da al-haq illa al-dhalal. Imma la personne il applique ce tawhid, imma il est dans un égarement total. لهذا قال عز وجل هو مأواه النار son refuge ça sera النار le feu. أخي الكريم pense à هذا t'as un être humain, tu passeras par cette étape à y te faire juger sur ce tawhid, sur ce point essentiel. Prends ton temps. Est-ce que t'es prêt amla? Est-ce que t'as authentifié ce tawhid amla? Est-ce que tu lui as donné du temps amla? والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. Celui qui meurt et quand il meurt il est mort يعني, en associant à Allah subhanahu wa ta'ala une chose, il est من أهل النار. من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. والعكس قال عيسى السلام من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. Celui qui meurt et il meurt en tant que mouhid, et il a appliqué ce tawhid, il croyait en ce tawhid, il aimait ce tawhid et il adorait Allah subhanahu wa ta'ala seul, هذا il est من أهل الجنة. فالعناية أخي أيها الشاب, t'es jeune, tu veux le bien pour toi-même et pour les autres, inshallah ta'ala, applique ce tawhid. كذلك اعتني أخي الكريم بالصلاة. Cette salat الآن, 5 salawat par jour, c'est une application de ce tawhid. As-salat c'est une ibadah, c'est une adoration. Tu ne l'as fait que pour Allah. Anta, t'es un musulman. T'as des engagements. T'as des ordres à appliquer. T'as des choses à suivre. Et parmi ces choses, as-salat. Qala azza wa jal, ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum min al-musallin. Ahlun nar. On va leur demander pourquoi ils sont venus là. Ceux qui sont en enfer, la question suivante, elle leur sera posée. Ma salakakum alaykum salam. Ma salakakum fi saqar. C'est quoi la raison vous êtes fi saqar? Saqar, c'est un des noms de l'enfer. Ils vont répondre lamnakum min al-musalli. On ne faisait pas salam. Akhi, pense à hada. Donne du temps à ce Coran, Al-Karim. Pose-toi la question, ma salakakum fi saqar. Est-ce que tu fais partie de haoula amla? Lam nakum min al-musalli. Si tu ne fais pas salam, tu pourras faire partie de haoula wal iyadu billah. Pourquoi gâcher ton éternité, gâcher ton akhira pour une chose que tu peux appliquer? 5 salawat. 5 salawat. dans 5 temps différents de la journée, des salawat très courtes, elles prendront rien sur ton temps, abadan. Mais c'est une cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala te guide fi dunya et il te châtie pas fi l'akhir. A'tani biha. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il informe أن العهد الذي بيننا وبين الكفار هو الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. La différence, أخي, entre toi et ce kafir que tu détestes tant, c'est cela. Ça te montre, أخي, الشاب, أن هذا الإسلام qu'on prétend suivre, c'est des œuvres. C'est pas mujarrad un non-muslim. T'as des origines de muslim, t'aimes l'islam, ça suffit pas. L'islam, c'est une croyance, comme on a vu dans le premier point, at-tawhid. Kadhalik, l'islam, c'est des amal, c'est des œuvres. Al-ahd alladhi baynana wa baynahum as-sala, faman tarakaha faqad kafar. Enfin, ne sois pas de haoula qu'on m'ait cru en délaissant salat. Tu regretteras tôt ou tard. Wahdar. Huna, on appuie sur un point. Beaucoup de jeunes, ils sont concernés par hala. Ihdar min adouika iblis. Fais attention à cet ennemi que tu ne vois pas, iblis. Il y en a dans ce point, il va te faire beaucoup de mal si tu ne fais pas attention. Je ferai salat quand j'aurai 50 ans. Je ferai salat quand j'arrêterai tous les péchés. Je ferai salat et Iblis, il t'égare. Qui c'est qui t'a dit que t'allais vivre jusqu'à 50 ans? Qui c'est qui t'a dit que t'allais arrêter ces péchés? Fais salat. Accomplis cette salat. Fais ce que tu peux. Et les péchés, mais idnillah. Que tu fais, arrête les péchés au lieu de prendre la mauvaise décision et arrête le salat, ou ne pas la faire du tout. Chef Iblis, comment il essaye de t'égarer. Si tu attends d'être parfait pour faire salat, tu te trompes. لأن الله سبحانه وتعالى il a informé أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Cette chose qui va t'arrêter ou qui va t'aider à arrêter ces zulub parmi les causes, c'est cela. Mais بعض الناس ils ont inversé. حتى بعض الشباب, certains jeunes ils ont atteint un point مساكين. Et ربما il est véridique dans ce qu'il dit, ou il pense être véridique. أنه il pense que faire salat et certaines choses qu'il fait, c'est pas compatible. Enfin, il prend la décision de ne pas faire salat. Maintenant, on lui dit, Akhil Karim, si tu penses vraiment que ce n'est pas compatible, fais délaisse les mauvaises choses et fais salat. Si tu as du mal, fais salat et petit à petit, mais idnillah, tu fais des efforts. Tu combats ton nefs. As-salat, c'est muhimun jidda. C'est cette chose qui compte muslim avec le tawhid. Amma sans salat, كما قال عمر رضي الله عنه لا حظ بالإسلام لمن ترك الصلاة. Celui qui délaisse salat ou il fait pas salat, il a aucune part dans l'islam. Walaw il s'appelle Mohammed, walaw il s'appelle Abdullah. L'islam, c'est des paroles et des actes. كذلك اخي الكريم اعتني ببقيه اركان الاسلام. On a appuyé نحن sur الصلاه والتوحيد. لكن كذلك les autres piliers de l'islam. الزكاه, si tu as de l'argent, Allah subhanahu wa ta'ala il a le haq. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné, qui t'a facilité. Cet argent, tu as une certaine partie à donner, fi sabilillah. Bien sûr, si tu rentres dans les critères de zakat, qu'on ne va pas détailler ici, une certaine somme qui n'a pas bougé pendant un an, la personne, il se renseigne, est-ce que cet argent, tu dois sortir de zakat? Enfin, si tu rentres, tu fais partie de ces personnes qui doivent sortir de zakat, tu dois sortir de zakat. Tu es un musulman. T'as des obligations, akhi. Certains jeunes, masakis, tellement qu'ils sont rentrés dans l'insouciance, ils se sont écartés du din. Robama, ils n'entendent pas beaucoup de rappels, beaucoup de conseils. Toutes ces choses, Robama, ces 2,5%, ils les sortent. Il les sort, Robama. Lakin, cette zakat, avec cette intention de sortir la zakat, Kadir Minhom, ils l'ont plus. Ils ont perdu ces valeurs. Kadalik, Siyam Ramadan. Ça, c'est muhim. En tant que musulman, tu fais pas ce que tu veux. Tu as un mois dans l'année où tu dois te priver de certaines choses. La journée, du Fajr jusqu'au Maghrib. La nourriture, la boisson, etc. Tu dois appliquer هذا الركن العظيم. Beaucoup de jeunes, ou de plus en plus de jeunes, là, ils délaissent Ramadan sans aucune raison. هكذا الشيطان. Au départ, à Salah, tout le soucième que tu faisais, quelques années après, tu le délaisses. Tout le une autre chose. Hatta à la fin, si tu compares ta vie avec l'islam, tu vois que tu n'as plus rien de cet islam. Wal'iyadu billah. كذلك الحج كذلك الحج c'est une obligation pour toi أيها المسلم الحج بعض الناس ils ont le même problème qu'on avait cité في الصلاة il ne peut pas faire الحج tant qu'il n'a pas atteint 60 ans هذا c'est خطأ الحج c'est une obligation pour chaque musulman et parmi les conditions du حج c'est que tu as la raison tu atteins l'âge de la puberté c'est ça les conditions avec bien sûr d'autres conditions لكن par rapport à l'âge il y en a بعض الشباب ils ont un problème يظن أن الحج الحج سيغزغفي pour les vieux وهذا سا خطأ عظيم خطأ كبير ربما tu vas vieillir tu n'auras plus la force ربما tu vas vieillir tu auras un empêchement ربما je ne vais pas vieillir ربما tu vas mourir jeune ma tête est et qu'est-ce qui t'empêche de faire le hajj jeune et quand tu es vieux tu refais le hajj c'est du bien c'est خير على خير أخي الكريم fais des efforts dans tout ça. Fais des efforts, fais dînik. C'est la seule chose qui va te sauver. Wallahi, Anna, si tu meurs, t'emmèneras ni tes biens, ni ta famille, elle te sera d'aucune utilité, ni tes amis. Il restera que ces choses, que ton dîne. Comme il a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anna, la personne, quand il meurt, il y a trois choses qui le suivent. Deux choses qui reviennent et une chose qui reste avec lui. Sa famille, ses biens, ses œuvres, ils le suivent. Sa famille et ses biens, ils reviennent. Quand il est enterré, il n'y a que ses œuvres avec lui. Si c'est du bien, il a fait du bien, il trouvera du bien. Si c'est du mal, il trouvera du mal. Al-Islam, Ayyuha al-Shab, c'est pas une étiquette. Al-Islam, c'est pas un héritage. Tes parents c'est des musulmans, je suis un musulman et je fais ce que je veux. Je délaisse ce que je veux, c'est pas ça l'islam. L'islam c'est une aqida et c'est une sharia. L'islam c'est une croyance et des convictions. Et c'est un manhaj, c'est une voie à suivre avec des choses à faire et des choses tu dois t'écarter. C'est ça l'islam. Enfin, si tu te prétends musulman et tu es un musulman haqqan, tu dois te soumettre. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون c'est ça l'islam التقوى c'est que tu as des ordres à observer et que tu as des interdits tu dois t'écarter et la personne il n'est pas parfait tu auras des faiblesses خاصتان au début tu auras des faiblesses tu auras des manquements tu auras des beaucoup de choses tu fais des efforts et tu te corriges jour après jour l'erreur que tu as fait aujourd'hui mais idnillah tu ne la fais pas demain. La chose que tu as manqué aujourd'hui, mais idnillah, tu le fais demain. Akhil Karim, la deuxième nasiha. Ayyuha al-shab, yajib alayka an ta'rif aduwak al-haqiqi. Ça, c'est muhim. Ayyuha al-shab, t'es jeune, t'es un musulman, tu dois connaître tes véritables ennemis. N'adouk ou a'da'ouk. Bad al-shabab, à cause de leur ignorance, ils prétendent ou ils pensent que Fulan, il lui veut du mal. Ou Fulan, c'est un ennemi. Alors que beaucoup de problèmes, ils viennent de lui-même. Tu dois savoir l'origine de tes problèmes. Tu dois savoir c'est qui ton véritable ennemi. Hatta tu fais attention, et bien, idnillah, tu avances. Parmi tes ennemis, Akhishab, Al-Shaytan. Ton premier ennemi et ton plus grand ennemi, c'est Shaytan, Iblis. Alayhi la'inullah. Qala Allah ta'ala, inna Shaytan lakum aduun, fattakhidhuhu aduwa. Shaytan, c'est un adou, comme il a informé Rabb al-Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Shaytan. Et il t'a informé, anna sous-Shaytan, c'est un ennemi pour toi. Inna Shaytan lakum aduun, fattakhidhuhu aduwa. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذا ستون إنمي الشيطان. Il te veut que du mal. الشيطان لعنه الله. الله سبحانه وتعالى il a jugé qu'il ira en enfer éternellement. هذا الشيطان il veut t'emmener avec lui. Il fait tout pour t'égarer. فاحذر. Fais attention. C'est un ennemi que tu vois pas. C'est un ennemi. Tu pourras t'en sortir face à lui illa si tu t'accroches à la religion d'Allah. C'est un ennemi, tu ne pourras pas combattre avec des armes. Tu ne pourras pas combattre avec les poings. C'est un ennemi, tu ne le vois même pas. Et où est-ce que tu le vois? Kadhalik, le deuxième ennemi, nafsuk, ton nafs. Ton nafs qui est en toi. C'est un adou. Si tu ne l'éduques pas, si tu ne t'abstiens pas, si tu la suis sans limite et sans suivre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un adou. Et elle va te faire beaucoup de mal. Liana, elle est en toi. Qala azza wa jal, inna nafsa la ammaratun bisu. Ton nafs, ta propre âme, ta'murk bisou, elle t'incite au mal. Si tu ne l'éduques pas, tu ne te prives pas, Rubbama, c'est la cause de ta perte. Ton nafs. Kadhalik, parmi tes ennemis, a'da'ul islam, al-kuffar. Ha'oula, kadhalik, ils veulent que ton mal. T'es un musulman. Tant que t'as cette appartenance à l'islam, Rubbama, l'apparence, Rubbama, le nom, s'ils sentent une odeur de toi que t'es un musulman, ils feront tout pour t'égarer. Qala Azza wa Jal, ma yawaddu alladhina kafaru min ahli al-kitab wal mushrikin an yunazzal alaykum min khayrin min rabbikum. Hakada ils sont le kuffar. Hakada ils sont le kuffar. Tant que tu es un musulman, là où tu as des faiblesses, ou là où tu n'es pas un prêcheur, tant que tu restes même un musulman de la masse, akhbar Allah subhanahu wa ta'ala, ma yawaddu alladhina kafaru min ahli al-kitab wal mushrikin. Que ce soit les juifs, les chrétiens ou autres, tant que c'est un kafir, un ennemi de l'islam, fa ma yawaddu. Al-mawadda, c'est il n'aime pas. Il ne veut pas pour toi aucun bien. Qala azza wa jal, an yunazzal alaykum min khayrin min rabbikum. Il ne veut aucun bien pour toi. Il n'espère pas qu'un bien il te touche. Que ce soit un bien de dunya, que ce soit un bien ton din, tes enfants pour ton mal. Il ne veut que ton mal. Fahdhar hadha al-adu. Khassatan, tu vis au milieu d'eux. Prends garde. Prends garde, ils font des choses, Rubbama t'es même pas au courant enta pour te faire du mal. Ne leur fais pas confiance, abatan. Ne les prends pas comme alliés, abatan. La moindre faiblesse que tu auras, ils te trahiront. Et tu l'as vécu, hada ayyuhasha. Wa qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim, qad badat al-baghdha'u min afwahihim. وما تخفي صدورهم أكبر. الله سبحانه وتعالى il informe sur l'état de cet ennemi al-kafir. قد بدت البغضاء من أفواههم. أي en tant que musulman, t'as vu un tas déjà la haine sur sa langue. Prends l'exemple de Rasoul. Ah, t'as un jeune, t'aimes ton prophète, alayhi salatu wassalam. Quand t'as remarqué à la moindre occasion pour eux, ils se moquent de ton prophète, alayhi salatu wassalam. Avec leur langue. Quand badat il barva. Et tu vois, t'entends la haine qui sort de leur bouche envers al-muslimin. Qala azza wa jalla, wa ma tukhfi sudurhum akbar. Ce qu'il y a dans leur cœur, c'est encore pire. Si tu saurais la haine que le kafir y renferme envers les musulmans, tu serais étonné. Voilà, tu le vois quand tu fais des efforts dans ton dîme. Ayuha shab, anta, en tant que musulman, il te combat. Et tu le vois quand tu essaies de faire des efforts dans ton dîme, il te combat encore plus. لأن الله سبحانه وتعالى les a créés et t'informe. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. Si tu raisonnes, Allah subhanahu wa ta'ala, il a clarifié cette chose dans le Coran. أن الكفار ils te veulent aucun bien. فتتعجب أن بعض الشباب ils leur font confiance. Oh, ils pensent que c'est eux qui sont avancés. C'est eux qui sont modernes. Certains shabab, tellement qu'ils ont été touchés par cette pensée, Rubbama, il a une mauvaise image des musulmans. Et ils pensent que les kuffars, ils ont réussi. N'oublie pas les deux points qu'on a cités. At-tawhid, was-salah et tous les piliers de l'islam. Ha'oula, ils combattent at-tawhid. Ha'oula, ils combattent ton dîn, ils combattent ton prophète. À quel bien tu vas t'espérer d'eux? Tu m'as dit, Azza wa Jal, إن تمسسكم حسنة تسؤهم تأمل إن تمسسكم حسنة سي أن بيان إي تو توش تسؤهم أي بوغ أو إي سون با كونتون إي سون جالو سا لوغ في دو مال أن بيان سي تو توش أيها المسلم مي بارمي لو بلو غران بيان سي الدين تو تروفرا أن الكافر إي ديتيسترا سي تو في دي زيفور دون تون دين. Enfin, ne lui donne pas ce qu'il veut à ce kafir. Il veut que tu t'égares. Il veut que tu délaisses le dîn. Il veut que tu combats ce dîn avec lui. Ne le suis pas, viens là. T'es un musulman. T'es un musulman. T'aimes le dîn. T'aimes le prophète, alayhi salatu wassalam. Amma ha'oula, c'est des ennemis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Qala azza wa jal, in tamsaskum hasanatun tasu'hum. Wa in tusibkum sayi'atun yafrahu biha. Et si un mal te touche, c'est le farah. Ils sont heureux. Si un mal te touche, tu as des problèmes de justice, ou des problèmes familiaux, ou des problèmes financiers, yafrahou. Et ce farah, ils en profitent pour te faire encore plus de mal. Ils vont te proposer Obama de l'aide, ils vont te proposer une aide financière ou autre, illa t'oublie pour que tu oublies ton deen. Ahadar. Et hadar min ha'oula. Ha'oula, ils ont des mukhattatat. Ils ont des plans pour te faire du mal, dit-elle. N'oublie pas ce qu'ils ont fait à tes parents. Ton père et ta mère, la génération de nos parents, de nos arrière-grands-parents, de nos grands-parents et nos arrière-grands-parents, ils les ont combattus directement avec Silah. Et voilà. Et il y en a nos parents, ils ne vivaient pas avec eux. Ou nos grands-parents. Ils ne vivaient pas avec eux. Enfin, ils pouvaient leur faire aucun mal. Ils ne pouvaient pas leur mettre de pression financière directement pour leur faire du mal sur leur terre. Et là, nos parents, ils étaient dans une autre terre. Enfin, ils ont appliqué la force, la colonisation. Ces choses, oh, ils te le cachent. Ah oui, ils essayent de te faire oublier. Ah, ma fille, haqiqa, si tu te rappelles, si tu médites un peu sur l'histoire, ils ont été dans la terre de tes parents, ils leur ont fait beaucoup de mal. Ils ont tué, ils ont violé, ils ont pillé. Pour plusieurs raisons, tu es venu dans leur pays. Et eux, ils ont changé la méthode. Ils vont pas te combattre directement avec les armes, mais ils vont combattre ton cœur. Amma la haine, c'est la même haine. Tant que tu es un musulman, si tu deviens comme eux, ça sera autre chose. Mais nous, on parle les jeunes qui aiment le dîn et qui veulent s'accrocher au dîn. Ça sera la même haine. Le même combat, sauf que la méthode, elle change. Wallah, ce combat, l'un qui combat les jeunes, ils combattent leur cœur avec des pensées, comme on va voir, il est akhtar et il est achet. Et Allah, ils te font apparaître que c'est des alliés, que c'est des proches. Al-Haqiqa, ils te détestent. Et quand ils peuvent se débarrasser de toi, ils le font très vite. Allah Azza wa Jal, in tamsaskum hasanatun tasu'hum, wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha, wa in tasbiru wa tattaqu, la yadhurrukum kaiduhum shay'. Sahih. Tout ça, Akhil Karim, si tu appliques ce verset, wa in tasbiru, si tu patientes, tu ne leur fais pas confiance, tu ne les suis pas, tu ne leur obéis pas, belle, tu suis ton prophète, alayhi salam, et tu patientes. Mais là, ce n'est pas simple, al-haqiqa. Sauf pour celui à qui Allah il facilite, Allah il a informé, la yadhurrukum, la yadhurrukum kaiduhum shay'a, ça ne te fera aucun mal, bi'idnillahi azza wa jalla. Mais deux choses, as-sabr ou at-taqwa. Fa'a'ula al-a'da, ces trois a'da qu'on a cités, ces trois ennemis, al-shaytan, ton nefs et al-kuffar, les ennemis d'Allah azza wa jalla, ils te combattent laylan wa nahara. Nuit et jour, ils te combattent. Nuit et jour. Si t'es pas sur tes gardes, tu connais pas ton din, tu fais pas les efforts nécessaires, tu seras touché. Plus ou moins. Wa ta'lamoun anna ha'oula al-a'da. N'importe quel ennemi, il a plusieurs méthodes pour combattre. Il a plusieurs méthodes pour faire du mal. Maintenant, le shaitan, il fait beaucoup de mal aux jeunes en les faisant désespérer. Beaucoup de jeunes, il entend ce kalam, ou tu le conseilles, il aime le khayr, il aime le haqq. Mais le shaitan, il a combattu. Il lui a fait beaucoup de mal en le faisant désespérer. Wallahi, ba'd al-shabab, vous l'avez déjà entendu. Il accepte. Il accepte ton conseil et à la fin il dit j'ai été trop loin, je peux plus faire tauba, je peux plus me repentir. Il pense à ça. Shaitan il l'a combattu. Il sait qu'il aime le khayr et il sait qu'il peut accepter à tout moment. Il l'a combattu avec le désespoir. Il désespère. Désespère jamais, Akhi. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ceux qui reviennent. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ceux qui se repentent. Qul ya ibadi alladhina أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. تأمل ce verset. Allah il montre أن même si tu as dépassé les limites, même si tu as été loin, ne désespère jamais. إن الله يغفر الذنوب جميعا. Allah il pardonne tous les péchés. Demande pardon, فقط écarte-toi et fais des efforts. Allah il t'efface ses ذنوب. بل tous tes péchés il te les change en حسنات. لكن الشيطان il veut pas. Shaitan là. Un shaitan, il veut que tu vas avec lui, finnar. Prends l'exemple de nafs. Un nafs, c'est le combat. Kadhalik al-shabab avec plusieurs assalis. Parmi ces choses, al-shahawat, qu'on va voir. Des choses, nafs, elle te fait croire que tu peux pas vivre sans. Ba'd al-shabab, matalan, ils sont éprouvés, ils sont touchés par certaines drogues. Il pense qu'il ne peut pas arrêter. Alors qu'il peut arrêter. Beaucoup de personnes avant toi, ils ont arrêté. Tu peux. Mais ton neuf seul te fait croire, tu ne peux pas vivre sans. Là, fais des efforts. Al-Kuffar, A'da'Allah, Kazalik. Ils ont plusieurs méthodes pour te combattre, Afi. Et on t'a déjà dit, ne te fais pas avoir par l'apparence. Eux, ils vont te faire croire beaucoup de choses avec la langue. Ils vont te promettre beaucoup de choses. Lakin anta, si t'étudies bien al-mas'ala, tu verras qu'ils te veulent que du mal. On a cité les versets. Parmi ces assalib qui font beaucoup de mal aux jeunes, c'est toutes ces pensées l'an qui sont propagées. Al-démocratie, l'ilmaniya, ou al-hurriya, et la démocratie, la laïcité. Ils font croire que tu es libre. Tu fais ce que tu veux. Al-haqiqa. Hatta cette liberté, c'est eux qui ont mis les règles. Certaines choses, ils n'acceptent pas que tu les fasses. Enfin, c'est eux qui ont mis des règles et ils ont appelé ça liberté. Et là, fais attention. Anta, t'es un musulman. Si tu médites sur le mot musulman, c'est que tu es soumis. C'est ça l'islam. Enfin, ça contredit ces fondements qu'ils ont instauré le kuffar, la démocratie, la liberté. T'es un musulman. Anta, en tant que musulman, t'es soumis. Enfin, tu dois apprendre ton dit et t'appliques cette soumission. Telle chose t'as le droit de faire, telle chose t'as pas le droit de faire. C'est ça un musulman. Amma anta, t'es un musulman et tu suis ces pensées de kuffar et tu délaisses ton dit. Fa min ayn laka al-islam. Entre toi et l'islam, il y a un fossé là. On cite deux exemples. Mathalan, al-kuffar, comme ta'lamoun, ils insistent beaucoup, khasatan avec ces jeunes, sur ce qu'ils appellent l'intégration. Si tu réfléchis bien, akhishab, si tu réfléchis sur le mot, faqat, intégration, ça veut dire que ça veut dire qu'il faut que tu rentres dans leur système. Tu n'es pas intégré. Enfin, si tu te poses des questions en tant que l'islam, c'est dans quelque chose, en tant que musulman, c'est dans quelque chose que tu n'es pas intégré. Robama, tu travailles, Robama, tu as une famille, Robama, tu vis ta vie. T'as, qu'est-ce qu'ils veulent par cette intégration? Ils veulent que tu délaisses ton deal. Amma, tu n'as pas besoin de son intégration. Pourquoi ça serait toi qui dois t'intégrer à son système? Pourquoi c'est pas lui qui s'intègre? Et ça devient musulman. Fais attention, ne suis pas Hakada. Ils inventent un mot avec une pensée, ils te combattent. Anta, tu suis comme un mouton. C'est ton din qui est en jeu. Parmi leur intégration maintenant, ils veulent que tu délaisses beaucoup de choses de din. Prends l'apparence, faqab. Si t'es habillé comme un musulman, pour eux, t'es pas intégré. Ah, c'est pas ça. T'as des convictions, tu t'habilles comme un musulman, et c'est ton choix. Et c'est le haq. C'est eux qui doivent normalement changer leur apparence. Anta, ne te fais pas avoir à suivre le système. Hakada. Oublie pas ce qu'ils ont fait. Quand nos parents ils étaient tranquillement chez eux, ils faisaient leur vie, ils ont été les combattre. Al-An, ils veulent t'imposer Anta, tu dois t'intégrer. Intègre-toi à l'islam, à la sunna. Amma, eux ils veulent que tu t'intègres au kuf et à Dhalal. C'est des ennemis et n'oublie pas, ils veulent que ton mal. Sallallahu subhanahu wa ta'ala yakfina sharrahum. Aqidatul wala wal bara. C'est muhim. Aqidatul wala wal bara ayyuha shab. Cette aqida, cette croyance, il y a des personnes que tu dois aimer villah. Les messagers, les prophètes, les compagnons du prophète. Al-Muslimoun, tu dois les aimer, villah. Les anoums, c'est tes frères. T'as un lien avec eux, c'est le lien de l'islam. Wal-Bara, c'est le contraire de l'Wala. Des personnes, tu dois les détester, villah. Tu dois prendre garde. Ils veulent que ton mal. Al-Kuffar. Shayatin, Al-Ins, Wal-Jin. Shtu Aqida, Akhil Karim, Ayyuha Shab. Donne-lui une partie de ton temps. C'est qui tes ennemis et c'est qui tes alliés? Tes alliés, tu les aimes, tu t'entraides avec eux, et tes ennemis, tu prends garde et tu les détestes, fillah. Kadhalika ahmiyat al-ilm. Tout ça, l'an. Pourquoi des jeunes, ils se font beaucoup de mal? Ils n'ont pas la science nécessaire. Il est manipulé, mesquine, par des médias. Il est manipulé par les kuffars, il est manipulé par l'argent. Du jour au lendemain, il lui change sa croyance. Du jour au lendemain. Le deuxième exemple, ce qu'ils appellent l'islam de France. Al-Kuffar, ils ont très bien compris al-Muslim, ça reste un musulman. Ça reste un musulman, il aime le din, il aime Allah, il aime son messager. Al-Kuffar, ils combattent certains jeunes, mais ils ne peuvent pas tout lui enlever. Ils le savent, ils le combattent avec Hadha. Vu que tu veux l'islam, tu veux pas trop t'intégrer, enfin, pratique un islam de France. Ta'ammal wa intabih ya akhi. Awalan, est-ce que c'est le kafir qui doit te dicter qu'est-ce que tu dois faire? C'est pas à lui de nous dire islam de France ou islam de n'importe quel pays. Là, l'islam, c'est l'islam d'Allah, c'est l'islam du Coran et de la Sunna. Enfin, l'islam, c'est des règles. C'est comme si nous, on leur dit votre démocratie, il faut une démocratie islamique. Ils accepteront jamais. Ils vont dire là, La démocratie, il y a des règles, il y a des lois. Enfin, nous, on dit, l'islam, il y a des règles, il y a des lois. Pourquoi tu veux m'imposer un islam de France? Et pourquoi cet islam de France, il serait différent avec un autre islam? Qui c'est qui a différencié? Fais attention. Les Al-Kufar, ils ont un cadre, ils étudient les populations et ils leur enlèvent des choses et ils leur donnent certaines choses. Hatta, ils arrivent à gérer la chose. T'es un musulman, tu pratiques l'islam du prophète, alayhi salatu salam. L'islam, il a des sources, le Coran et le Sunnah. Tu pratiques l'islam. Amma, il nous invente un islam. L'Hakika, c'est plus un islam. Cet islam de France qu'ils appellent, l'Hakika, il y a beaucoup de choses qui contredisent l'islam. Mathalan, cette aqidah qu'on a cité de voilà, wabara, aimer pour Allah, détester pour Allah. L'islam de France, il t'appelle à aimer tout le monde. Tu contredis ton dîn. L'Hakika, ce islam de France, celui qui ne connaît pas sa croyance, c'est une simple étiquette, Rubama, il les suit. C'est une simple étiquette. Il lui dit l'islam de France, il ne sait pas trop c'est quoi, il les suit. Alors celui qui analyse bien la chose, là, je ne suis pas un islam de France. Si tu sois un islam de France, ça veut dire que ton frère musulman qui vit dans un autre pays, ce n'est plus ton frère, il a un autre islam. Là, nous, on suit l'islam tout simplement. Et ce n'est pas à eux de nous dicter, à Bethel. Allah al-Musta'an. Le résultat de tout ça, ya ikhwan, Anna, beaucoup de jeunes, ils n'ont pas compris tous ces points qu'on a cités. Tu le vois, ces jeunes, comme ils se font du mal entre eux. Et ça, c'est une manipulation kadhalik des kuffars. Wallah, ils les manipulent, hatta des jeunes, dans certains quartiers, dans certaines villes, ils se mangent entre eux. Al-layl wa al-nahar. Ils ont les mêmes valeurs. Probablement, ils ont la même pensée. C'est des musulmans. On parle, nous, les jeunes musulmans. Farubama, ils se font la guerre nuit et jour. Ils leur ont inventé une guerre. Ils défendent un bâtiment. Ils défendent un bâtiment, ils défendent une chose qui n'est même pas à lui. Ils leur ont enlevé les valeurs. Un musulman combat son frère. Et Al-Kuffar, c'est des spectateurs. Comme ils le font à l'échelle mondiale. Les gouverneurs, ils se font du mal entre eux, les gouverneurs de musulmans, avec leur peuple. Dans ton propre quartier, Robama, Fulan, il habite dans ce quartier, et des autres musulmans dans un autre quartier, au lieu de s'unir, on a les mêmes valeurs, on est des musulmans, on est dans un pays étranger, ils nous combattent. Tu les trouves, ils leur ont mis des choses futiles, et ils se combattent. Akhil Karim, ouvre les yeux. Ouvre les yeux, ce point, il est mohim. Wallah, et ton frère musulman qui est dans un quartier avec toi ou dans un autre quartier, dans une autre ville, il a les mêmes problèmes que toi. Il a les mêmes ennemis que toi. Il est manipulé comme toi. Ah, ouvrez les yeux, ayouha shabab. Vous faites du mal. T'as gagné quoi, là? Obama, ces guerres de quartier qu'ils l'auront inventé, là. Tu brûles la voiture d'un musulman, il brûle la voiture d'un musulman. Tu détériores l'endroit où vivent les musulmans et lui détériore. Et le kuffar, c'est le téléspectateur. À la fin, vous êtes tous catalogués de sauvages, il faut vous intégrer. Ah non ! Même toi, t'es manipulé. Ouvrez les yeux, ya ikhwan. Ouvrez les yeux. Al-Nasiha al-Thalitha, la troisième Nasiha. Ayyuha al-Shab, i'tani bi-birr walidayk. N'oublie pas ces deux êtres qui ont été sabab fi wujoudik. Combien de jeunes, astahahumullah, ils font du mal à leurs parents? Combien? Qala azza wa jal, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, wa bil walidayna ihsana. Allah, il a ordonné, t'es un muslim, tu dois l'adorer seul, comme on a vu dans le premier point, wa bil walidayna ihsana. Et tu dois faire du bien à tes parents. Ils ont un haq sur toi. Allah subhanahu wa ta'ala, il a un haq, c'est ton créateur. Le prophète, il a un haq, tu dois le suivre, c'est ton exemple. Al-mu'minun, al-muslimun, ils ont un haq. C'est tes frères, tu dois t'entraider, tu dois les aimer, billah. Tes parents, ils ont un haq. Ayyuha al-shab, chacun de lui son haq. Allah, il va dire, al-shabab, comme vous savez, on dirait qu'il est tout seul. On dirait qu'il est tout seul. Il a une vie et on dirait qu'il est tout seul. ne s'accroche pas à son dîn, il ne suit pas le prophète alayhi sallam, il ne donne pas d'importance à ses paroles, il ne donne pas d'importance aux autres, il manque de respect, Obama, il est injuste. Et akhi, tu n'es pas tout seul. Tu te fais du mal qu'à toi-même, fil haqiqa. Parce que le shabab, il pense au départ, il va faire telle chose. À la fin, il se fait du mal. À la fin, il revient vers ces personnes qu'il aime. Alors, ne leur fais pas du mal. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا وسئل النبي صلى الله عليه وسلم إذا posé la question au prophète صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل un compagnon il a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم c'est quoi le meilleur عمل l'œuvre que Allah subhanahu wa ta'ala il aime le plus قال عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها on revient à الصلاة أيها الشاب الصلاة على des heures précises dans des endroits précis pour les hommes al masajid كذلك Ils ont demandé au prophète sallam thumma ay ay après salat al nabi sallam قال بر الوالدين la bonté envers tes parents ça c'est bien ihsan al a'mal لماذا لان ces deux êtres ils ont un haq azim n'oublie pas au départ et avec eux بعد الله عز وجل c'est eux qui t'ont éduqué c'est eux qui ont fait les causes pour te nourrir c'est eux qui ont fait des sacrifices wallahi et vous savez hada Anna des parents, ils ont fait des sacrifices. Robama, il a délaissé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il a délaissé le bonheur et son bonheur pour le tien. Hatta cette situation, tu t'es retrouvé en France. Ne crois pas au départ, c'est un plaisir pour tes parents. Ils sont venus, mais c'est à qui ? Que ils les ont combattus. De loin, ils leur ont fait croire que l'avenir, c'est en France. Et ils ont fait des efforts pour te donner cet avenir. Et ils se sont trompés. C'est une erreur de t'avoir emmené dans ce pays qui te combat. Lakin, ils ont fait une erreur. Enfin, aide-les. Aide-les. Tu crois que ton père, ta mère, ça lui fait plaisir? Tu te fais manger par le système? Ton père, tu crois que ça lui fait plaisir de venir au parloir? Je crois que ta mère, ça lui fait plaisir, t'es enfermé. Ya akhi, ouvre les yeux dans ces moments de difficulté là. Dans ces moments de difficulté, le parloir, tu te retrouves enfermé, les mandats, tu trouves que tes parents. Repama, ta mère, ton père, ils s'endettent pour t'envoyer quelque chose. Tous ces amis là qui sont autour de toi, tu trouves pas beaucoup de monde. Tu trouves, par le shabab, après tout ça, Repama, il sort. Il continue à faire du mal à ses parents et il essaie de satisfaire Ha'ola, les amis. Allah, il s'est dit. Lakin, tout ça, c'est le fruit amer du combat qu'on a cité avant. Ils t'ont mis des idées, ils t'ont inventé une guerre, ils t'ont inventé des objectifs. Rajoute 2-3 films. Halas, ce jeune, il n'a plus d'objectif. Il n'a plus d'objectif. Ça devient un objet. Il est manipulé. Il l'enferme quand il veut. Et il le laisse quand il veut. Wahoua le meskin, il pense qu'il avance. Kadhalik, arhamuk, a été proche. On a parlé des parents. Lakin kadhalik, tes proches, tes frères, tes soeurs, tes oncles, tes tantes. Certains jeunes, ils n'ont plus aucune attache, plus aucune valeur. Ce qu'on appelle la famille. Il a une chose, Wahoua, c'est les amis. Et beaucoup de ses amis, on sait, nous. Beaucoup de ses amis, en vérité, il y a un profit, faqat. Le jour où tu te retrouves seul, pas un centime dans les poches, tu ne trouves plus beaucoup de monde. Ah bah, les shabab, ils n'ont plus ces valeurs. Robama, il a un oncle, ça fait des mois, il ne l'a pas vu. Robama, il a une soeur, il n'a plus aucun contact avec elle. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yaqul, la yatrul al-jannah qati'. Celui qui coupe le lien de parenté, il ne rentre pas fils d'ennemi. An-nasiha al-rabi'a. La quatrième nasiha, yuhashab, ihdar min al-ma'asi. Fais attention les ma'asi. Et on a cité certaines ma'asi. Khassatan, il y a des péchés qui sont beaucoup répandus chez ces jeunes. Arriba. Arriba. Les intérêts, ce qu'ils appellent les intérêts. Haqiqa, c'est de l'usure. C'est des choses qui te font beaucoup de mal. Allah subhanahu wa ta'ala, il a informé à celui qui délaisse par riba, annahu, il rentre en guerre avec Allah et son messager. Qala azza wa jal, ya ayyuha alladhina amanu, ya ayyuha alladhina amanu, taqullahu wa dharu ma baqiya min al-riba. craignez Allah et délaissez le riba. Le riba, c'est ce qu'ils appellent les intérêts. Et ils travaillent ton argent dans ce qu'ils appellent les banques et il y a des intérêts. Ma'rouf عند الناس. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit cette chose. C'est du dhulm, c'est de l'injustice. ثم قال عز وجل فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. Et si vous ne délaissez pas ces intérêts, فأذنوا, préparez-vous à une guerre contre Allah et son messager. Tu vas aller où si Allah subhanahu wa ta'ala il te fait la guerre? Tu vas aller où? Il t'a créé, il te connaît. وبعض الشباب مساكين il s'écarte de la délinquance, des drogues, de tout ça, l'argent sale, et il pense que cet argent-là, il achète une voiture, il achète une maison. C'est un dhanb adhim. Wallahi, c'est un dhanb adhim. Il n'y a pas que l'argent sale qui est lié avec la drogue, là. L'argent des intérêts, kadhalik, c'est de l'argent sale. Tu trouves Abd al-Shabab, il a acheté une voiture, il a acheté une maison avec cet argent, il vit dans une difficulté, la ya'lamuha illallah. لماذا؟ لأن الله قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الله il le combat. Il fait un crédit, il achète une maison, il est conseillé, il écoute pas. Robama il divorce, Robama ses enfants finissent en prison, Robama cette maison il la perd. Tous ces problèmes que t'as, akhi. Médite sur le verset. Allah il te combat. لأن tu délaisses pas cette chose muharram. كذلك فاحشة الزنا الزنا fornication, l'adultère, c'est منتشر عند الشباب. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقربوا الزنا لا تقربوا, ne t'approche pas du zina. قال عز وجل إنه كان فاحشة وساء سبيلا. C'est une chose mauvaise, c'est un mauvais chemin, ça te fait du mal et ça fait du mal aux autres. النبي صلى الله عليه وسلم مرة, un jeune, il est venu lui demander l'autorisation de faire zina. Les jeunes, ils sont attirés par cette chose. Ma'ruf, fitna des femmes. Un jeune, il est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé, est-ce que tu veux qu'on le fasse avec ta mère? Le jeune, il a dit là, est-ce que tu veux qu'on le fasse avec ta soeur, avec ta tante? La personne, il ne veut pas ça. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, falimala, tu le veux pour les autres. Al-Shab, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui faire dua, et il n'a jamais approché le zina. Anta hakada, tu ne voudrais pas qu'on fasse avec ta mère, avec ta soeur. Falimala, tu veux le faire aux autres. Ça montre l'importance de zawaj, kadhalik. L'homme, c'est un homme, il a des envies. Marie-toi, akhi. Fais un mariage shar'i. Et, mais idnillah azza wa jal, il n'y a aucun homme. Al-Kuffar, il te combat, tiada. T'as remarqué que Azina, eux, ils ne l'interdisent pas. Ben, ils facilitent. Avec les tenues, avec les. Il y a des endroits spéciaux pour ça. Ils cautionnent, là. Le mariage shar'i, ils le combattent. Prends l'exemple de la polygamie. Si t'as des envies, marie-toi avec une sœur, avec deux, avec trois, avec quatre. Il n'y a aucun mal, la religion elle te l'autorise. Eux ils te combattent, hada, ils te font du mal à ton dîn. Si tu fais zina nuit et jour, Robama t'as des maladies, Robama tu fais du mal. Tu fais du mal à ton dîn, enfin, ils cautionnent. Bel t'es intégré. عندهم. كذلك من المعاصي المنتشرة التشبه بالكفار. Et ce point, on avait fait une kalima, on avait fait une conférence fi at-tashabbuh bil kuffar, et on avait détaillé. Le prophète sallam yaqul man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum. La ressemblance, donc, que ça soit vestimentaire, que ça soit les pensées qu'on a citées. Ce qu'ils appellent la mode. Allah, ça fait que du mal à ton dîn. Suis le prophète alayhi salam. Prophète sallam yaqul al-mar'u ma'a man ahab yawm al-qiyamah. Si tu aimes le prophète, tu as fait des efforts, yawm al-qiyamah tu seras avec lui. Ama cette mode elle va te servir à quoi? Robama ça rentre dans ton cœur, tu aimes cette personne, c'est un kafir robama. Yawm al-qiyamah tu te retrouves avec lui et tu as tout perdu. كذلك من المعاصي المنتشرة عند الشباب et elle leur fait beaucoup de mal, al-mukhaddirat wal khamr. Aïe les drogues, c'est l'alcool. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رش من عمل الشيطان. الخمر. Toutes ces choses qu'Allah il a citées dans ce verset, rishun, c'est des choses impures, min amal shaytan. قال عز وجل فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Si tu veux réussir, Akhil Karim, dans ce bas monde et dans l'au-delà, écarte-toi de ces choses. Al-khamr, l'alcool, al-mukhadirat, les drogues, tout ça, c'est une manipulation des kuffars. Wallahi, ils combattent les jeunes bihada. Leur but, eux, khassatan, les endroits où il y a une forte concentration de musulmans, c'est que ça devient des personnes qui n'ont plus aucun intérêt, qui n'ont plus aucun objectif. Un, si tu te poses la question, est-ce que le kuffar, ils sont capables d'arrêter ces drogues? Ils peuvent très bien. Laquelle c'est manipuler? Ils donnent, ou ils laissent passer certaines choses pour que ces jeunes, ils se font beaucoup de mal, et en même temps, il faut apparaître qu'ils combattent. Ne sois pas la cible de Haoula. Tu te fais du mal. Tu te fais du mal, tu n'as plus aucun but. Ces drogues, elles font beaucoup de mal à ton dîme. Elles font du mal à ta santé. Tu perds ton argent. Tu fais du mal à ta famille. À tes proches. Tu es 100% perdant. Qu'est-ce que tu as gagné? Thomas, c'est une drogue. Pas de chabab, ils ouvrent les yeux après. Et au début, c'est un jeu. Thomas, avec le temps. Lundi matin, les gens ils vont travailler, les gens ils ont un objectif. Les gens ils apprennent leur dîne. Lundi matin, ouais, ils doivent boire, ils doivent fumer. C'est khalas. Ils se retrouvent tout seuls. Ambiance faite, c'est fini. Il est dans ambiance dépendance là. Et il le sait. Lakin, pour arrêter, c'est très dur. Akhishab, fais attention au départ. Et si tu es dans ce vice, nasallahu alayhi wa sallam, fais des efforts. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout. Cette dunya, هذه الدنيا زائلة. Si tu comprends ça, on a cette dunya que tu vis, compare-la à une mazra'a. C'est une terre où tu sèmes des choses. Si c'est du bien, tu récolteras du bien. Si c'est du mal, tu récolteras du mal. هذه الدنيا, c'est pas une fin en soi. Comme ils essayent de t'inculquer, de t'éduquer le kuffar. Cette dunya, c'est une mazra'a. T'es privé de certaines choses. T'as des obligations. Et la vraie vie, idnillah, c'est l'akhir. N'oublie pas cette chose. N'oublie pas ce point. Il est muhim. Qala azza wa jal, faman ittaba'a hudaï, fala yadillu wa la yashqa. Wa man a'rada an dhikri, fa inna lahu ma'ishatan dhanka. C'est ça l'an, ton objectif. Celui qui s'écarte, il s'écarte de din, il s'écarte tawhid, il ne fait pas salat. قال عز وجل ومن أعرض عن ذكري أعرض s'il se détourne. Se détourne. قال عز وجل فإن له معيشة ضنكا. Avant que c'est une vie, c'est difficile. La fatigue. Le mal. Hakada se guider les sept. Est-ce que la drogue, ça fait du bien aux jeunes? Abadan. Ils regrettent, ils se font du mal. Est-ce que la délinquance, est-ce que Abadan? Ils se font que du mal. Les malades, les Anna, ils ont délaissé Din. Tu trouveras pas mal un frère. Financièrement, il n'a pas grand-chose. Financièrement, il n'a pas grand-chose. Obama, il n'a pas une situation dans le dunya. Lakin, son cœur, il est apaisé. قال عز وجل فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Il sait que l'objectif, c'est l'akhir. En faisant des efforts, fait demi tant que c'est halal. Lakin, ce n'est pas une fin en soi. فلا تظن أخي الشاب أن السعادة أن le bonheur والسلامة قد تحصل في غير دين الله. Ne pense pas que ce bonheur que tout le monde recherche, tu le trouveras dans autre que din. Abadan. On continue à khalada. Baqi khalada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Naam. Fakama qulna. Akhil Karim, Akhil Shab, ce bonheur qu'on recherche tant, Al-Haqiqa, chaque être humain, hatta al-kuffar, hatta al-kuffar, hatta les ennemis d'Islam, chacun cherche son bonheur. Allah t'adonne un temps en tant que musulman que tu trouveras ce bonheur dans autre que l'Islam. Même si tu arrives à voir certaines choses fi dunya, pense à après la mort. Yaqulu azza wa jal, i'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun baynakum. C'est ça dunya. La'ib. C'est un jeu. Wa zina. C'est un embellissement. Wa tafakhur. C'est de la concurrence. Hada, il a une voiture, Hada, il en veut deux. S'il en a deux, un autre, il en aura trois. Qala azza wa jal, wa tafakhurun baynakum fil amwali wal awlad. Ce truc de rien, c'est une concurrence. Si un t'as pas des limites et t'as pas un objectif sahih, tu vas rentrer dans cette concurrence. Al-An, beaucoup de mal que ces jeunes y se font, c'est cette concurrence. Cette concurrence. Ils leur ont inventé des icônes, des idoles, des films, des chanteurs, des sportifs, et les jeunes ils se concurrencent fihad. Et ils essaient de leur faire oublier le but. لأن هؤلاء كلها هؤلاء الكفار. قال عز وجل وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله سبحانه وتعالى في الفرسي تكسبلك أن الآخرة عذاب شديد لنفر كذلك مغفرة أي الجنة. الله تكسبلك أن ta destination ça sera إما النار إما الجنة. Ne perds pas cette rahma, cette jannah, pour une futilité minadunia. Rabbama, du jour au lendemain, s'arrête et tu rendras des comptes. Fais attention au système. Al-Kuffar, en fait, ces jeunes, ils leur ont donné des objectifs. Imma, c'est un chanteur. Imma, c'est un sportif. Imma, c'est un délinquant. Rentre ta vie dans ce système. T'es un musulman. C'est pour ça que quand tu sors de ce système, tu sors de la délinquance. T'es pas forcément. Ton but, c'est pas le sport. Abedan. Encore moins là, être chanteur ou l'iyadu billah. Quand tu choisis le vrai objectif, ad-din, al-an, ils te combattent encore plus. Les madhas, ils combattent les frères plus que les délinquants, plus que les chanteurs. Plus que... Pourtant, ils appellent au mal. Les délinquants, les chanteurs, ils appellent au mal. Anta tefiddin, les madhas, t'es plus combattu. Li'annaka, t'es ala al-haq. T'es ala al-haq. Ayyuha al-muslim, fais un choix. Et oublie pas, anna. Tu auras des comptes à rendre. Mahma t'a atteint comme argent, comme place, comme tu goûteras à la mort. قال عز وجل كل نفس ذائقة الموت. وقال عز وجل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. Cette mort que tout le monde l'a fui, personne espère ou veut mourir, elle viendra. Elle viendra et tu auras des comptes à rendre. قال عز وجل ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. Tu auras des comptes à rendre. Tu auras des comptes, tu le veuilles ou non. Tu meurs à la al-khayr ou à la shar. Tu es bon ou tu es mauvais. Tu auras des comptes à rendre. Et ta destination finale, ça sera par rapport à ces comptes. فاتقوا الله. قال عز وجل واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه. Crains Allah et sache que tu le rencontreras. Tu auras des comptes à rendre. Les ma'ala, les al-naka, t'es un abd. T'es un serviteur parmi les serviteurs d'Allah. Les amis, l'argent, ces idées qui t'ont donné de intouchable, de, ça ne te servira à rien. Tu seras nu, pieds nus, tout seul, et t'attendras tes comptes. Si c'est du bien, t'auras du bien. Si c'est du mal, nas'alullah azza wa jal al-afiyah. هذا الذي أردنا التناصح مع هؤلاء الشباب أصلح الله عز وجل حالنا وحالهم وتوسع كذلك وربما une personne il regrette ce qu'il a fait, ربما il médite, il pense في الآخرة et il regrette. On conseille نحن هذا الشاب de pas désespérer, abdam, comme on l'a déjà dit. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Si tu regrettes, fais tawbah, délaisse toutes ces choses, remets-toi sur le bien chemin, ou mets-toi sur le bon chemin, mais idnillah, tu seras à la khayr. Allah, il pardonne tout. هذا نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق والسلامة وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.